la bise et ils parlent de moi. De moi. Je leur fais tous des gros noix. Ils me font la bise et ils parlent de moi. Je leur fais des gros noix. Et on se reverra dans 6 mois. Je la branche en bois. Elle me dit t'es qui, je lui dis TK. Elle me dit t'es beau, elle me dit t'es où. Elle veut le tello. L'alcool c'est pas de l'eau, c'est 6 points sur le permis. Je m'en bats les couilles, j'ai pas le permis. Trafic quand c'est chic et babouchicha, l'argent est blanchi. L'argent de la blanche, eh ouais, voyou, réfléchis. J'ai claqué tous mes sous, ouais, comme avant. Rimeurs, ils sont jaloux, parle dans le vent. Célibataire, on s'en fout, je prends mon temps. Ta critique était content, ok, d'accord. Je l'ai, ouais. Je suis comme Soukri dans Prison Break. Je suis léoué sur la croisette. Je suis à l'arrière d'un SVR. Elle m'attend en petite misette. Elle attend que je vienne lui mettre. Bébé, se drogue en cachette. Ok, j'ai le kilo de bœuf pour pas cher. Ok, j'ai mis côté si à la guerre. Bébé, cache mes sous dans porte jartel. Ok, il dit ça vend la dope. La pétasse est bonne, mais je suis pas dupe. Je me suis du père, je suis sous sa jupe. Je passe un coup de fil rien si ça chauffe. Arriba mais qui va là, j'ai de la frappe dans le poche, t'as de la Dibala. J'suis en quiche, j'en fais de la mala. Quand j'ai un peu, j'donne à la smala. Ton pote il veut pas se mouiller, y'aura rien quand ça va payer. Ton pote il veut pas se mouiller, y'aura rien quand ça va payer. Y'aura rien, j'ai tout caché. La mala ça paye pas, tu frimes mais t'as un côté. Y'aura rien, j'ai tout caché. La mala ça paye pas, tu frimes mais t'as un côté. Ok d'accord, j'suis les ouais. Les ouais.